Le principe de l'amour de l'humain par l'humain. Voilà le sujet que je veux aborder maintenant, parce que dans le domaine de la conscience supramentale, il est question des principes de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. Et par rapport à ça, à l'égard du principe de l'amour, je juge important et même vital que soient faites certaines clarifications pour éviter les malentendus et également la confusion. Parce que, de mon point de vue, le principe de l'amour doit être le principe de l'amour de l'humain pour l'humain. Parce que si c'est entendu et perçu comme étant le principe de l'amour de l'être humain envers les forces, eh bien là, on se ramasse dans une situation de fascination. Donc, autrement dit, on se retrouve dans la fascination où ce que l'être humain va mettre sur un piédestal au-dessus de lui, que ce soit le plan divin, que ce soit le plan bouddhique, que ce soit des dieux, que ce soit l'esprit, que ce soit des anges, des extraterrestres ou même son double, bien à ce moment-là, l'être humain se positionne dans un rapport qui n'est pas égalitaire et se met dans une position de faiblesse, et tout ça au nom de l'amour. Donc, lorsque au nom de l'amour spirituel, un être humain va se mettre à genoux pour prier Dieu, il faut réaliser qu'à quelque part, derrière ce geste, il y a une attitude de soumission. Alors que lorsque l'individu intègre le principe de l'amour de l'humain pour l'humain, eh bien, à ce moment-là, il agit d'une manière humanitaire et non pas comme étant sous un état de soumission à l'égard d'entités. Il peut alors rester debout et parler d'égal à égal avec les entités avec lesquelles il peut communiquer dans sa psyché au lieu de se mettre à genoux. Ce qui n'est pas pareil, parce que quelqu'un qui vit en fonction prioritaire de l'amour à l'égard d'entités qui le fascine parce que ses êtres lui acheminent de l'information dans sa psyché, eh bien, cet être-là, pour des raisons de fascination, peut vivre un état dans lequel il va prioriser son rapport à ses entités, aux êtres de son entourage, que ce soit sa compagne, que ce soit son frère, que ce soit sa mère, que ce soit ses collègues de travail, que ce soit des amis, parce que il met l'invisible sur un piédestal. Et ça, c'est l'un des pièges. Et c'est un piège qui peut aller très loin, parce que pour des raisons d'amour et de fascination à l'égard d'êtres invisibles, il y a des gens, présentement, qui croient faire le bien par amour en commettant des actes terroristes. Parce qu'il y a des personnes qui s'imaginent que ça fait plaisir à Dieu qu'ils se fassent exploser dans des contextes où ils sont exposés à des êtres qu'ils jugent comme étant des mécréants, des incultes, des gens qui n'ont ni foi ni loi, des matérialistes, pour, à ce moment-là, débarrasser l'humanité d'êtres qui vont à l'encontre de leur point de vue de la volonté de Dieu. Et par amour pour Dieu, ils croient, en étant aussi renforcés par des gens qui sont fanatisés par la religion, des intégristes, que de se faire exploser avec des bombes, là, c'est une bonne chose et ça fait plaisir à Dieu. Et pour eux, c'est une façon, de leur point de vue, de manifester leur amour pour Dieu en tuant des gens qui les évaluent, qui n'aiment pas Dieu, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu sur terre. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller, le dérapage là dans l'amour et la fascination à l'égard d'êtres occultes qui sont perçus pour beaucoup de gens comme étant abstraits parce qu'ils ne communiquent pas nécessairement avec ces êtres-là, ou s'ils communiquent avec ces êtres-là, que ce soit le Dieu ou des divinités ou des entités, ben, des fois le rapport de communication n'est pas ajusté et ça peut amener à commettre des actes extrêmement violents. Donc, tout ça sous le couvert de belles croyances à caractère religieux ou spirituel. Donc, autrement dit, la personne qui se fait exploser avec une bombe dans un quartier rempli d'infidèles, ben, elle croit qu'en faisant ça, elle va plaire à Dieu au point tel qu'elle va devenir un martyr et qu'elle aura peut-être même la possibilité de se retrouver par la suite au paradis accompagnée de 72 vierges. Et oui, ça peut aller jusque-là, la croyance. Donc, ça peut amener des gens à s'imaginer qu'il y a des choses qui vont les attendre de l'autre côté lorsqu'ils auront quitté le plan physique. Et ça, c'est extrêmement pernicieux et dangereux. C'est la raison pour laquelle que, pour éviter le dérapage extrême comme dans le cas mentionné, eh bien, de mon point de vue, le principe de l'amour doit toujours être associé au principe de l'amour de l'humain pour l'humain, ce qui donne place à une forme d'humanisme, ce qui fait en sorte que l'être humain, s'il a le choix entre donner la priorité à un rapport avec une entité avec laquelle il est en contact dans le plan de sa psyché par des communications internes versus un autre être humain devant lui, dans l'optique qu'il manifeste à son égard un amour réel, eh bien, il doit donner la priorité à l'être humain, parce que sans ça, il devient tout simplement le serviteur d'êtres invisibles qui peuvent abuser ou même profiter de son rapport avec l'être humain incarné sur le plan matériel pour commettre, en fait, qu'il commette des actions qui vont à l'encontre de sa vie et de celle des autres êtres humains. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre leur vie en danger, donc des gens qui vont commettre des tentatives de suicide ou mettre la vie en danger de d'autres êtres humains, tentatives ou commettre des meurtres. Et ça, c'est le dérapage qui peut donner place au fait. En fait, c'est le dérapage qui peut prendre place si l'être humain aime trop des êtres invisibles et est trop fasciné par eux. D'ailleurs, il y a certaines guerres de religion qui ont été commises d'une manière assez paradoxale au nom de l'amour de Dieu. Donc, au nom de l'amour de Dieu, il y a des gens qui tuent d'autres êtres humains. Donc, vous voyez ici le manque d'humanisme flagrant. Et c'est la raison pour laquelle, et je complète là-dessus, je ne veux pas nécessairement m'étaler sur ce sujet trop longuement, je complète en disant que le principe de l'amour doit toujours être vu par rapport à l'être humain en premier et seulement en second. Le rapport avec des êtres invisibles, que ce soit le plan mental, astral ou autre. Parce que c'est ce qui va permettre réellement à l'être humain d'être libre de leur influence.